ça va, plus nous sommes envahis par les photocopieuses, par ce qu'on appelle les fax, c'est-à-dire les processus de télécopie, etc. Pour communiquer, de plus en plus, il faut reproduire. Comment s'y prend-on alors ? D'un point de vue technique, je ne le sais pas vraiment, mais ce que je sais, c'est que les différentes opérations portent des noms différents. Ainsi, un duplicata. Vous avez perdu votre permis de conduire ou votre carte d'identité. Vous vous précipitez au commissariat qui vous en délivre un second qui porte cette mention parce que le duplicata n'est pas l'original, n'est pas simplement une photocopie d'original, c'est un double quoi. C'est un nouveau document qui a un caractère officiel et qui est réalisé à un seul exemplaire. Il va remplacer l'original, il en tient lieu. Ce n'est pas la même chose qu'un facsimilé. Facsimilé est un mot français mais qui vient du latin. Qui s'écrit, précisons-le en deux mots, avec un E accent aigu, qui a été employé à partir du milieu du 19e siècle, qui désigne la reproduction par des moyens soit manuels, autographes, soit de photocopies ou même de photographies, la reproduction d'un document original. Alors attention, non pas de n'importe quel document. On parle de facsimilé s'il s'agit d'un document ancien, précieux, qui a un caractère historique un peu intéressant. Et non pas une petite bafouille que vous pourriez écrire comme ça à votre voisin de palier. Oui, d'ailleurs, l'important, ce n'est pas tellement le contenu, c'est comment c'était présenté. Si on fait par exemple un facsimilé de la Déclaration des droits de l'homme, ce n'est pas comme si l'on recopiait purement et simplement chacun des articles de cette déclaration. L'important, c'est les petites feuilles et les petites colonnes qui environnent l'édition originale. La reproduction, quant à elle, est un terme assez générique, il faut bien le dire, mais qui prend une acception particulière si l'on songe à la reproduction des tableaux ou des gravures. Elle nécessite bien sûr des moyens techniques, mais on peut remarquer également que la reproduction implique un nombre élevé d'exemplaires. On ne reproduit pas 5 ou 6 la Joconde de Léonard de Vinci, par exemple. Non, ça ne vaudrait pas le coup. Hein. Non, non, on va en faire plus, on va en faire 10 000. Viser 10 000, effectivement. Alors, celle-ci, donc, implique un grand nombre, des moyens techniques, on l'a dit, et elle s'oppose, en ce sens-là, à la copie. La copie, c'est tout à fait différent, parce que la copie d'un tableau, c'est un tableau. Si vous allez au Louvre et que vous achetez une reproduction de la Joconde, vous ne repartez pas avec un tableau, vous repartez avec une affiche. Mais par contre, je pense à mon ami Alfred, qui étudie les beaux-arts. Il va faire une copie de la Joconde. Donc, il va s'installer au Louvre avec son chevalet, et il va faire un autre tableau qui représente le même sujet que le tableau de Léonard de Vinci. C'est un autre tableau. Ce n'est pas un faux, il ne va pas essayer de le négocier, il n'est pas fou, Alfred. Mais c'est un tableau qui ressemble le plus possible, disons, à celui de Léonard. D'ailleurs, dans le même ordre d'idées, on va parler de copies d'anciens en matière d'instruments de musique ou en matière de meubles également. Et très souvent, les copies d'anciens sont assez chères. Vous le disiez, la copie de votre ami Alfred n'est pas un faux. Parce qu'un faux, effectivement, dans le domaine artistique, c'est une reproduction qui veut se faire passer pour vrai ce qu'elle n'est pas. C'est un petit peu une contrefaçon. Mais attention, le mot de contrefaçon est plutôt réservé au monde commercial. Par exemple, une montre Cartier originale, ben, c'est mieux peut-être qu'une fausse montre Cartier qui serait une contrefaçon qui n'a pas été faite chez Cartier.